Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Oui, messieurs. Rouletabille a raison, je viens de le constater moi-même. Le garde, sur qui Maître Sinclair et Sir Arthur ont tiré à coups de revolver, qui ensuite a reçu deux décharges de chevrotine à moins de 20 mètres, eh bien, cet homme est mort d'un coup de couteau au cœur. It's very curious. Et pourtant, c'est comme ça. Bien, je présume que M. Larsan a du travail et qu'il souhaite poursuivre son enquête. Venez, Sinclair. Oui, je vous suis. Joseph, je croyais qu'on devait réfléchir. Oui, j'ai l'impression que vous réfléchissez en dormant d'une manière confondante. Oh, c'est malin, c'est drôle, ça. Il est quelle heure? 8h du matin. Oh là, et comment va Mathilde? Ben, son état est préoccupant, je dirais même grave. Ah. Mais enfin, encore une fois, ses jours ne sont pas en danger. Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, tout le restant de cette nuit? J'ai travaillé depuis l'aube, mon bon ami. Ah bon? Oui. Et vous avez découvert Premièrement, une double empreinte de pas, très remarquable. Uh-huh. Et qui aurait pu me gêner. Et qui ne vous gêne plus? Non, pas du tout. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Bon, vous explique-t-elle au moins quelque chose? Ah, évidemment. Relativement au cadavre inexplicable du garde, sans doute. Mais bien sûr, Sinclair. Le cadavre est tout à fait crédible. Bah alors, expliquez-moi donc ça. C'est très simple, j'ai découvert tout à l'heure en me promenant autour du château deux sortes d'empreintes de pas faites cette nuit, côte à côte. Côte à côte? Oui. Et faites en même temps. Ah bon? Et c'est important? Ah bah, je pense bien, si les pas n'étaient pas venus ensemble, il est probable qu'à un moment ou à un autre, les empreintes se seraient chevauchées. Mmh. Or, les pas de celui-ci n'ont jamais marché sur les pas de celui-là. Mmh. Ensuite? J'ai donc suivi cette piste, qui traversait la cour d'honneur, qui se dirigeait vers la chaînée. Mmh. Et là, parce que c'est dans la nature des choses, je suis tombé sur Frédéric Larsan. Eh, il n'est pas bête, hein? Non, non, il n'est pas bête. Alors, bon, nous avons repris la genèse. Et conclusion, dans l'affaire de la chambre jaune, les empreintes grossières rejoignaient les pas élégants au bord de l'étang, n'est-ce pas? Mmh. Eh bien ici, grossier ou élégant, les pas sont arrivés ensemble. Oui, mais dans le premier cas, c'était le même individu qui avait changé de chaussure. Oui, monsieur. Bon, et ici, il n'y en avait pas une, mais deux personnes. Vous avez vérifié? Vous me connaissez bien mal, mon cher maître. J'ai sorti de mon portefeuille les semelles de papier, souvenez ? Mmh. Identiques. Mmh. L'une correspondait aux vieilles chaussures de Père Jacques, l'autre aux pas élégants. À cette différence que la chaussure était un peu moins pointue. Mais enfin, on peut admettre qu'un assassin possède deux paires de chaussures, non ? Ah oui, bien sûr. Voilà, alors nous ne pouvons pas affirmer que ce sont là les empreintes de l'assassin, mais on ne peut pas non plus démontrer que ce ne sont pas les siennes. Oui. Bah, moi, je vous trouve pas très avancé. Mais il y a pourtant quelque chose qui me dit que je suis sur la bonne voie. Bah alors, arrêtez de me faire languir. Larsan a eu exactement les mêmes réactions. Allons bon. Et moi qui croyais que... Mais attendez la suite. Larsan et moi, nous nous sommes souhaités une bonne fin de nuit. Mmh. Et comme par hasard, nous nous sommes retrouvés tous les deux devant chez le père Jacques. Alors, nous sommes entrés. Eh bien, ses vêtements étaient couverts de boue. Ses chaussures également. Et... Oh pleines de boue, les chaussures. Hein? Bah oui, bon, j'ai entendu, les chaussures pleines de boue. Bah oui, mais ça, il faut l'expliquer. Attendu qu'il ne pleuvait pas quand nous sommes sortis à la poursuite du garde. Ah, ça c'est vrai. Il pleuvait pas. Enfin, voyons, Père Jacques, qu'avez-vous fait lorsque le médecin est arrivé au château du Glandier? C'était bonne idée. Et je suis monté me coucher. Oh, mais vous êtes monté vous coucher tout de suite? Oui. Vous trouvez qu'il n'était pas assez tard, vous? Ah, vous en êtes sûr? Oh, voilà des questions. Mais c'est sûr que je suis sûr. C'est pas la peine de venir me réveiller pour ça. C'est que j'ai plus l'âge de passer des nuits, moi. Il faut que je récupère. M'ennuyeux. Voyez-vous, Père Jacques, c'est que Rouletabille et moi-même, nous pensons que vous mentez. Allons bon, voilà autre chose. Et pourquoi est-ce que je mentirais, hein? Quand il a fallu vous donner un coup de main cette nuit, j'étais pas introuvable. Et bien content de le trouver, le Père Jacques. Alors, dites-moi simplement pourquoi vos vêtements sont trempés et vos chaussures couvertes de boue. Voilà. Père Jacques, il ne pleuvait pas quand nous avons poursuivi le garde. Il ne pleuvait oui, pas. Oui, oui, oh là là là là là là là là. C'est pourtant pas compliqué. Seulement avec vous deux, la moindre chose deviendra... Enfin, Père Jacques... Oui, non, c'est bon, c'est bon. Ben, je suis sorti, c'est vrai. J'avais mal à la tête. Oui, c'est ça, mal à la tête. Et ça vous a conduit près de l'étang? Oh, ben, avoir mal à la tête près de l'étang ou ailleurs, c'est bien pareil. Et quand vous avez mal à la tête... Vous avez besoin de quelqu'un avec vous? Mais qu'est-ce que vous dites? Que vous n'étiez pas seul. Ah, alors vous aussi, vous l'avez vu? Qui donc? Eh bien, le fantôme noir. Le fantôme noir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh oui, je sais bien que vous aurez du mérite à me croire. Ça fait déjà quelques nuits que je le vois. Tiens donc, et où ça? Oh, monsieur Joseph, il apparaît sur le coup de minuit. Oui, comme les fantômes. Il glisse à travers les arbres du parc. Il est d'une souplesse, le malin. Ah ben, c'est pas pour dire. Des fois, j'ai l'impression qu'il passe au travers des troncs d'arbres. Et alors? Eh ben, je l'ai revu cette nuit. Ah ben, c'est pas croyable. Il était dans la cour d'honneur. C'était pas la première fois que je lui faisais des cours à tendance. Tiens, l'avant-veille, j'avais failli mettre la main dessus. Et il s'est volatilisé au coin du donjon. Eh ben, cette nuit, il a tourné à la chaînée. Puis là, jusqu'à l'étang, jusqu'à la route d'Épinay. Et quand je suis arrivé à la route d'Épinay, il avait disparu. Mais comment ça, disparu? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? J'arrive à la route d'Épinay, rien, personne, le vide. Ben, il a disparu, c'est tout. Ben, bon, ben, il a disparu, pas d'affolement, Père Jacques. Bon, comment est-il, ce fantôme? C'est... Ah, ben, ça, c'est pas facile à dire. Ah, oui, mais enfin, c'est pas... Il est grand? Non, pas vraiment. Ben, il est petit. Ah, ben, j'ai pas dit ça. Ah, non, mais Père Jacques, enfin, s'il n'est pas grand, s'il n'est pas petit, qu'est-ce qu'il est? Hein? Eh ben, il est moyen. Oh, Dieu de Dieu! Père Jacques, voyons, restez calme. Est-il plus grand que Monsieur Larsan ou plus grand que moi? Oh, à mon avis, je dirais entre les deux. On n'en sortira jamais. Bon, Père Jacques, avez-vous vu sa figure? Ah, à vrai dire, non, j'ai pas vu sa figure. Enfin, Père Jacques, vous nous faites marcher depuis je ne sais combien de temps avec une histoire de fantôme, vous n'êtes pas fichu de nous faire une description acceptable. Ah, mais... Si, mon cher Larsan, on pourrait dire que si, en ce qui concerne les descriptions, les fantômes ont le triste avantage de pouvoir rester dans le vague. Voyons, Père Jacques, oui. Concentrez-vous. Ouais. Comment se présente ce fantôme? Il est enveloppé de voile noire. Et c'est sans doute pour ça qu'il a l'air de glisser. Ah, Père Jacques, vous feriez perdre patience à un saint. Enfin, vous nous dites qu'il y a plusieurs jours que vous vous êtes aperçu de sa présence. Mm-hmm. Vous l'avez remarqué à plusieurs reprises dans la cour d'honneur et puis dans le parc. Vous avez réussi à le suivre à plusieurs reprises, apparemment sans difficulté, de la chênaie à l'étang, c'est oui. Bien ça. En arrivant à la route d'Épinay, vous le perdez inexplicablement de vue. Et pendant tout ce temps, je vous le demande, vous n'avez pas trouvé le moyen de lui sauter dessus? Oh, dites donc, vous risquez pas grand-chose en parlant tout le temps. Moi, je suis pas un héros. Mais vous n'êtes pas un héros. Mais vous auriez quand même pu prévenir l'un de nous, enfin. Non, je vous jure que non. Bah, comment, pour... Mais j'étais vert de peur. Mais ça existe, la trouille. Et tous ceux qui, comme moi, ont fait le chemin des dames, ils ont fait dans leurs pantalons. Oui, monsieur, oui, puis j'ai pas honte. Hein? D'un côté, il fallait que je le suive, et instinctivement, j'avais pas le droit d'y toucher. Oui, mais enfin, cependant, les traces que nous avons relevées montrent que vous avez fait mieux que les suivre, puisque vous et l'autre étiez côte à côte. Ah non. Ah non, ça, c'est faux. Donc, vous... Non, je jure que c'est faux. Il pleuvait. Bon, il est tombé des torrents d'eau. Eh ben, je suis rentré. J'ai pas été plus loin que la route. Non, messieurs, croyez-moi, non. Non, je vous jure, je sais pas ce qu'est devenu le fantôme noir. Non, ben, ça, je vous le jure. Bon, allez, c'est terminé. Sortons, Rouletabille. Non, je ne peux plus. À bientôt, Père Jacques. Oh, je le battrai. Alors, à votre avis, complice? Oh. Allez donc savoir. Hein. Vous nagez, cher Larsan? Ah, oui. Il y a 24 heures. J'aurais juré qu'il n'y avait pas de complice. Et maintenant... Bon. Cher Rouletabille, allons nous reposer. Voilà, mon bon maître. Vous avez dormi, et pourtant vous connaissez les mille et un secrets de l'enquête. Oui, encore faudrait-il pouvoir conclure. Ah. Avoir une idée. Alors, pas une grosse idée, non, toute petite, mais une idée. Et là, quitte à penser pour un homme batté, je ne vois pas. Je ne vois rien. Perdu, mon cher, je suis complètement perdu. Alors, je renonce, mon petit Joseph, je renonce. Plus je pense, et moins je comprends. Ah, parce que vous souriez, vous. Oh, ah, bravo. Eh bien, allez-y, Joseph, que savez-vous? Tout, mon ami. Je sais tout. Comment? Oui, allons prendre des nouvelles de Mathilde. Après, je vous raconterai. Bon, d'accord, vous êtes bien gentil, monsieur, je sais tout. Mais on ne joue pas impunément à ce petit jeu-là avec moi. Mes nerfs vont lâcher, mon cœur va lâcher, tout va me lâcher, alors après, hein. Après. Non, tout va bien. Bon, alors voilà en gros la situation. Mathilde a reçu 3 coups de couteau. Elle a perdu du sang, mais Dieu merci, elle devrait s'en sortir. Néanmoins, il faut tenir compte du traumatisme nerveux. La moindre allusion au drame et elle délire. Alors surtout... Attendez. Voilà Robert Darzac qui revient de Paris. Mes amis, on vient de me dire... Une nouvelle fois, j'arrive trop tard. Non, reste calme, Robert. Mathilde est vivante. Oh, Dieu soit loué. Il y a quand même une étrange fatalité qui semble porter le malheur au-dessus des têtes de cette famille. Mais que voulez-vous dire? Bien, si je n'avais pas été proprement endormi, j'aurais sauvé Mathilde de son agresseur. J'aurais rendu ce monstre muet pour toujours. Et ensuite, c'est désolant de le constater, mais le garde ne serait pas mort. Mais il a raison, Robert. Ah, si vous aviez eu réellement confiance en moi... Si vous aviez pu convaincre Mathilde de me faire confiance... Ben voilà, ici, tout le monde se défie tout le monde. Mais non. La fille se défie du père, la fiancée du fiancé. Vous m'avez pourtant demandé de tout faire pour empêcher l'arrivée de l'assassin. Bien sûr. Bon, ben, hélas, je suis arrivé trop tard et à moitié endormi, en plus. Je n'ai plus que me traîner à cette chambre où, faut le dire, la malheureuse baignait dans son sang. Oh. J'ai eu le temps de donner l'alerte et puis le professeur Stangerson et moi, nous avons transporté la malheureuse sur son... Oh, c'est affreux, pauvre Mathilde. Et là, près de son bureau, par terre, un paquet, un ballot. Alors, je l'ouvre. Oui. Des papiers, des photographies, des rapports concernant, je sais pas, un électroscope à condensateur différentiel, et voilà. Et ironie du sort, monsieur Darzac, quelqu'un restituait ses dossiers au professeur Stangerson à l'instant même où on tentait d'assassiner sa fille pour la seconde fois. Et le professeur était avec vous? Oui, bien sûr. Joseph? Oui. Oui, vous savez que De Marquet et Malène sont arrivés de bonne heure et que nous allons tous être interrogés. C'est l'évidence même. Mais alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Mais la vérité, mon cher Sinclair, la vérité, vous énoncerez les faits stricto sensu, uniquement les faits. Par ailleurs, il est parfaitement inutile d'informer le juge De Marquet des conclusions que nous en avons tirées, bien sûr. Ah, bon. Messieurs, s'il vous plaît. Le juge De Marquet souhaiterait vous entendre. Il vous attend. Nous y allons, gendarme, nous y allons. Où se tient le juge d'instruction? Il est avec monsieur Malène, dans le grand salon. Merci, gendarme. Venez, Sinclair. Oui. Darzac, allez donc rejoindre Mathilde. Elle sera heureuse de vous sentir près d'elle. Oui, merci. Vous nous attendiez, monsieur De Marquet. Monsieur Rouletabille, maître Sinclair, entrez, asseyez-vous. J'ai pratiquement fini avec Sir Arthur Hans. Vous notez, Malène. Je ne fais que ça, monsieur le juge. Très bien, Malène. Bon, Sir Arthur, quand avez-vous vu le garde pour la dernière fois? Oh, ben je l'ai vu hier soir, il était... Oui. 11 heures. Et maintenant, la question terriblement indiscrète. Pourquoi vouliez-vous le voir? Ben, pour lui demander de passer prendre mes bagages. Puisque normalement, je devais partir aujourd'hui et il devait transporter le valise à la gare à la première heure. Oui. Vous notez, Malène, vous notez. Hein? J'ai noté, monsieur, j'ai noté. Oui. Et vous êtes resté longtemps avec le garde? Oh, pas vraiment. Nous avons un peu discuté de chasse, braconnage, c'est tout. Oui. Naturellement, le professeur Stangerson peut confirmer tout cela. Oh, certainement. Je l'ai salué hier soir pour prendre congé et j'ai également présenté mes devoirs à mademoiselle Stangerson. Bien. Merci, Sir Arthur. Voilà. Bernier. Oui, monsieur le juge. Bernier, racontez-moi votre soirée. Ben, d'accord avec le garde, je devais censément lui prêter la main. Rapport au braconnier, au rôdeur. Notez, Malène, c'est intéressant, ça. Oui. On s'était donné rendez-vous à la chaînée et je peux dire que j'y suis resté un sacré bout de temps. Monsieur le juge, je note, hein. Oui. La suite, Bernier, la suite. La suite, voyant qu'il venait pas, je suis retourné sur mes pas, comme qui dirait à sa rencontre. À la hauteur du donjon, passé la petite porte de la cour d'honneur, j'ai aperçu un individu qui fuyait. Qui fuyait? Dame, au même moment, j'ai entendu des coups de revolver et presque aussitôt... Monsieur Rouletabille qui criait « Tirez! Tirez, Bernier! C'est un ordre! » Ben, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Ben, je vous en prie, Bernier. Je note, mais... Non, pas ça, c'est un imbécile. Le temps d'épauler, et je lui ai balancé mes deux chevrotinés, vraiment. Hein. On me connaît dans la région, je suis pas du genre à doubler pour faire péter de la cartouche. Si je l'ai fait, c'est par acquis de conscience, vu que j'étais sûr d'avoir mis dedans, pas pensé, à 20 mètres. Mais... D'ailleurs, quand on a retrouvé le garde tué d'un coup de couteau, si c'était pas lui le fuyard, fallait bien que l'autre il soit quelque part, non? Je reconnais que même simpliste, ce raisonnement tient debout. N'est-ce pas, monsieur de Marquet? D'ailleurs, nous avions songé à cette éventualité, Malène. Oui, forcément, j'ai juste une fois. Et c'est pas une boutade. Hein. Ne perdons pas de vue qu'il faisait très noir et qu'on n'y voyait rien. Malène, vous vous surpassez. Ah non, si. Et tout le monde est arrivé quasiment dans la minute. Et je vous jure bien qu'il n'y avait pas de place pour un autre mort. Autrement, on l'aurait vu. Pas vrai, monsieur Rouletabille? Mais sûrement, Bernier, sûrement. Bon, reprenons, Bernier. Vous étiez combien dans ce bout de cour? Ben... On était... 6, avec le mot. 6? Oui, enfin, le père Jacques est arrivé un petit peu après. Il n'est pas resté longtemps, vu qu'il est allé chercher une lampe demandée par monsieur Rouletabille. Monsieur Rouletabille? Ah, c'est tout à fait exact. J'ai envoyé le père Jacques chercher de quoi nous éclairer. Et à ce moment-là, nous ne savions rien sur l'identité du cadavre. Mmh. Hein? Notez, Malène, notez. Ah, oui, monsieur. Et la seule issue de ce bout de cour est la chambre du garde dont la porte était fermée. Et pour cause, monsieur... Non, voyons, maître, nous ne sommes pas au palais. Gardez cela pour l'avocat général. Je vous prie de m'excuser, monsieur le juge. Vous avez noté, Malène? Scrupuleusement, monsieur le juge. Bien. Alors, que ressort-il de tout ceci? Eh bien, que l'on a abattu, à coup de fusil, un homme qui est mort d'un coup de couteau. Non, je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Sur le plan de la logique, ce que vient de dire Malène est irréfutable. Oui. C'est très bien, Malène, très bien. Vos constatations sont stupides, mais juridiquement, c'est du bronze. Bravo. Bien, messieurs, je ne ferai pas de phrase. Oh, menteur. Je dirais simplement que nous sommes en présence d'une nouvelle affaire. Affaire tout aussi obscure et embrouillée que celle de la chambre jaune. Bien déduit, monsieur le juge. Je vous félicite de votre objectivité. C'est assez rare chez les journalistes. J'ai tenu à vous interroger pour, vérifier la stricte chronologie des faits. Nous sommes d'accord. Cela dit, ma conviction est faite depuis longtemps. Mais c'est passionnant, cela, monsieur de Marquet. On peut connaître le résultat de vos conclusions? Oh, mais certainement, maître. Rien de tout cela n'est secret. Primo, il faut bien le reconnaître, vous avez raté l'assassin qui fuyait. Secondo, le corps du garde poignardé relève d'une autre affaire. Enfin, tertio et ultimo, j'ai bien envie d'arrêter le coupable tout de suite. Franchement, monsieur le juge... Oui, Bernier? Non, mais j'ai pas l'habitude de rater un doublé aussi près que ça, vraiment. Cher Bernier, tout n'est qu'apparence illusion, gobe-mouche. Il y a plus de mérite à mettre dedans, comme vous dites, lorsqu'il s'agit d'un perdreau de battu qui vous arrive dessus à près de 100 km à l'heure, plutôt que de tirer à coup sûr à moins de 20 mètres sur une ombre. Un fantôme du vent. Oui, alors là, monsieur le juge, il va falloir admettre un cas unique d'hallucination collective. Ah non. Ah. Je vous en prie, la question n'est pas là, cher monsieur Rouletabille. Pour le moment... J'essaie de résoudre uniquement le problème posé par l'assassinat du garde. Alors, pour vous, monsieur le juge, il s'agit d'une affaire tout à fait différente. Hein? D'une part, mademoiselle Stangerson et le chambre jaune, et d'autre part, l'assassinat du garde. C'est mon intime conviction, sir Arthur. Voilà. Avez-vous encore besoin de nous? Non, sir Arthur, non. Et pardonnez-moi de vous avoir retenu aussi longtemps. Oh, mais le spectacle de la justice française en marche... est une chose que je n'aurais pas voulu rater pour un empire. Vous voir conduire et instruire une affaire est un régal, monsieur le juge. Merci, sir Arthur, c'est la moindre des choses, voyez-vous. Il suffit de prendre ces renseignements à la bonne source, voilà. Au revoir, sir Arthur. Goodbye. Bien, en réalité, tout ceci est fort simple, messieurs. Je possède un rapport des plus circonstanciés sur les activités du garde, et ce, depuis quelque temps. Sur les activités du garde? Oui, monsieur Rouletabille. Je vous vois sourire ironiquement, non, mais non. J'ai quand même appris beaucoup de choses grâce à ce rapport. Vous savez donc que l'homme était vif, coléreux, emporté, pas très travailleur, pour pas dire carrément feignant, plutôt coureur, d'une moralité qui aurait tenu à l'aise sur un timbre-poste. Et pour couronner ce portrait, vous avez appris qu'il entretenait une liaison avec la femme de chambre de Mathilde, ainsi qu'avec Madame Mathieu, la charmante hôtesse. Et hélas, la femme de Mathieu, le patron de l'auberge du donjon, je vois pas vraiment ce que pourrait contenir d'autre votre rapport. Monsieur Rouletabille, vous notez ma laine. Ah, tout, monsieur le juge, tout. Bien. Tout. Monsieur Rouletabille, je n'irai pas par quatre chemins. J'avoue que vous êtes admirablement renseigné. Cela dit, ce qui est consigné dans mon rapport ne vous regarde absolument pas. Bravo. Bien. Ma laine, pardon. Perspicace, mais pas crédule. Mais c'est bien normal. Merci, maître. La fin du rapport signale des menaces de mort proférées par le patron de l'auberge du donjon, le sieur Mathieu, à l'encontre du garde, des menaces sérieuses. Évidemment, des menaces de mort. Très bien, Malène, très bien. Et vous prenez des menaces de mari jaloux au sérieux, monsieur le juge ? Le crime passionnel est ce qui coûte le moins cher, n'est-il pas vrai, mon cher maître ? Mais dans certaines circonstances, effectivement. Bon, alors quelle est votre intention, monsieur le juge ? Mais enfantin, terminez rapidement cette affaire et arrêtez le coupable. Vous semblez tellement sûr de vous. Mon Dieu, maître, il nous arrive aussi, à nous autres magistrats, d'avoir l'esprit vif. Et en plus, il le croit. Bon, alors, qui arrêtez-vous, monsieur le juge ? Vous n'avez pas trouvé ? Oh, monsieur, je suis déçu, vraiment. J'arrête Mathieu, ça tombe sous le sens. Mathieu ? Mais oui, Mathieu, le patron de l'auberge. Mais il est cloué au lit avec une épouvantable crise de rhumatisme. Cela ne constitue pas à mes yeux de circonstances atténuantes. Oui, en effet. Bien, l'interrogatoire est terminé, messieurs. Je vous remercie de votre concours. Place à la justice. C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, 18e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rez, Malène, Yves Pénaud, Demarquet, Roger Carrel, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, Le Père Jacques, André Weber, Sir Arthur Rantz, Philippe Clay, Le Gendarme, Christian Zanetti, Monsieur Bernier, Gabriel Gobin. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Maître, vous savez combien je goûte la plaisanterie et à quel point j'apprécie l'esprit français. Car seul l'humour est anglais, tout le monde sait ça. Mais ce que vous venez de m'apprendre sans l'ombre d'un sourire, sans le plus petit haussement de sourcil, je suis... Sidéré. Sidéré. Ainsi, le juge de Marquet veut arrêter le père Mathieu. Ah, c'est exactement ce qu'il vient de nous apprendre après votre départ du grand salon. Ah, j'ai entendu pas mal d'absurdités tout au long de ma carrière, mais de cette taille-là, c'est digne des championnats du monde. D'ailleurs, je pense que notre ami Joseph est de cet avis. Monsieur de Marquet continue son interrogatoire avec le père Jacques. Nous devrions être fixés rapidement. Oh, my dear fellow, can you tell me what you think? Je vous trouve bien silencieux et perdu dans vos pensées. Ça n'a strictement rien à voir avec l'enquête, mais je vous prie de garder pour vous cette confidence. Oh, bien entendu. J'étais en train de me demander par quelle combinaison, où le hasard d'ailleurs intervient pour une grande part, comment M. de Marquet était parvenu au titre de juge d'instruction dans la hiérarchie du parquet. Oh, monsieur, Frédéric Larsan vient au château. Ah oui? Ah oui, il n'est pas seul. Ah, voyons voir ça. Oh, mais je connais cet homme. C'est l'employé de la SNCF à la gare d'Épinay-sur-Orge. Oui, en effet. Ouais, je le reconnais aussi. Sa barbiche blonde m'avait frappé, d'ailleurs. Mais si les paris sont ouverts, nous allons avoir du nouveau. Je sens venir une pirouette du grand Frédéric. Oh, il va aller sûrement trouver De Marquet directement. Ah oui? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'en suis persuadé, Sir Arthur. Le bon maître a raison. Je ne donne pas 3 minutes pour que notre admirable juge d'instruction ne commette une bévue supplémentaire. Car l'ennui, voyez-vous, avec cet homme au demeurant charmant, c'est qu'il est persuadé que la vérité sort de la bouche de celui qui a parlé en dernier. Bon, ça. Bien sûr, ça lui donne également 5 ou 6 versions différentes de l'affaire. Ça le distrait, ça le change. Monsieur Robert Darzac n'est pas avec vous, monsieur. Il veille auprès de Mademoiselle Stangerson, gendarme. Ah. Alors, il faut que je monte. Ah, montez, oui. Attendu que la chambre de sa fiancée se trouve au premier étage, ça me paraît indubitable, gendarme. Indubitable ou pas, quand faut y aller, faut y aller. Non, Sinclair, ne fermez pas la porte, j'aimerais entendre ce qui va se passer. Vous vous attendez à quelque chose? Ah, qui sait? Oui, monsieur Larzac? Monsieur de Marquet vous prie de bien vouloir descendre. Il n'en est pas question. La fiancée est morte et je reste à son chevet. Qu'est-ce que je disais? Monsieur le juge! Monsieur le juge! Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai prié monsieur Darzac de bien vouloir descendre comme vous l'aviez demandé. Bon, eh bien, il a refusé. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'il a refusé. Sans explication? Ben, il a dit qu'il ne pouvait pas quitter le chevet de Mademoiselle Stangerson dans l'état où elle se trouve. Malène, oui. Bon, très bien, vous notez, c'est très grave. C'est noté. Parfait. Bien, monsieur Darzac refuse de venir à la justice, eh bien, la justice ira à lui. Vous êtes témoin, monsieur Larsan? Je suis témoin, monsieur. Parfait, bien, allons-y. Pardon, je vous en prie. Venez, il faut suivre cette délégation de la justice en marche. Ah, si c'était le tragique de la situation, je trouverais cela du plus haut cocasse. Je vous suis. Dites-moi, ma fille, est-ce que le professeur Stangerson est visible? J'en sais rien. Il faut que je lui demande. Eh bien, demandez-le lui. Monsieur le professeur? Que veut-on? C'est monsieur le juge qui désire vous parler. Enfin, que se passe-t-il? Que me voulez-vous encore? Enfin, monsieur le juge, ne pourrait-on dans un moment pareil me laisser un peu en paix? Croyez bien que je suis désolé, monsieur le professeur, mais il faut que j'aie sur le champ un entretien avec monsieur Robert Darzac. Mais Robert Darzac n'est pas chez moi. Ah ben justement. Ne pourriez-vous le décider à quitter la chambre de mademoiselle votre fille, sans quoi, hélas, je me verrai dans la pénible obligation de franchir le seuil de cette chambre avec tout l'appareil de la justice. Avec l'appareil de la justice? C'est bien. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Voici Robert Darzac. Cette fois, vous vous êtes mis à plusieurs, bravo. Comme voulez-vous? Je comprends votre douleur, monsieur. Néanmoins, puisque vous connaissez tout le monde ici, je suppose que vous reconnaissez également la personne qui se trouve à côté de monsieur Larsan. Oui, je la reconnais. Bien, vous notez ma lettre. Ah oui, monsieur. Bien. Et qui est cette personne, monsieur Darzac? Eh bien, c'est l'employé de la gare d'Épinay-sur-Orge. Pourquoi cette question? Oh, pour rien. Excellente mémoire, c'est tout. Voyez-vous, monsieur Darzac, cette personne, dans sa déposition, affirme qu'elle vous a vu descendre du chemin de fer. Cette nuit, à Épinay-sur-Orge, en effet, c'est exact. Il était 10h30. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Darzac, puis-je vous demander ce que vous veniez faire cette nuit à Épinay-sur-Orge, à quelques kilomètres de l'endroit où l'on poignardait votre fiancée Mathilde Stangerson? Non. Pardon? J'ai dit non. On croit rêver. Pourquoi? Parce que je ne puis répondre, monsieur le juge. Monsieur Darzac, je représente le parquet. J'instruis une affaire. Je me permets d'insister. Donnez-moi l'emploi de votre temps cette nuit. C'est impossible. Réfléchissez, monsieur Darzac. Si vous persistez dans votre refus, je vais être obligé de vous garder à ma disposition. Oui, mais je le sais. Eh bien? Faites comme vous l'entendez, monsieur le juge. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie, un petit silence. Monsieur Robert Darzac, au nom de la loi, je vous arrête. Gendarme, emmenez-le. Robert! Mathilde! Mathilde, ma chérie! Robert, ils vont vous arrêter. Ne craignez rien, je suis là. Robert! Oh! Ma fille est évanouie. Messieurs, il semble que vous ne nous ayez pas assez torturés. Mais je vous avertis, malgré mon profond chagrin, je ne suis plus d'humeur à en supporter davantage. Il s'agit d'une double tentative de meurtre, professeur. Je vous prie de considérer que c'est un pénible mais impérieux devoir qui nous contraint d'agir de la sorte. C'est bien. Qu'on ne me dérange plus. Bien. Tout est noté, Madeleine? Ah, tout, monsieur le juge. Monsieur l'employé. Monsieur le juge. Je vous demanderai de bien vouloir signer une déposition. Encore une fois, vous êtes sûr d'avoir reconnu monsieur Darzac ici présent? J'en suis d'autant plus sûr que monsieur Darzac a fait une déclaration dans le même sens. Il vous a dit tout à l'heure qu'il était arrivé à un gare d'Épinay par l'omnibus de 22h26. Bien. Mon greffier vous fera signer la déposition. Merci. Bien. Monsieur Larsan, oui. Voulez-vous faire chercher une voiture, je vous prie? À votre service, monsieur de Marquet. Merci. Il nous faudra évidemment une déclaration de votre part, monsieur Darzac. Tout ce que vous voudrez. Darzac? Oui. C'est de la folie. Vous n'allez tout de même pas vous défendre? Non. Mais enfin... Pourquoi, Robert? C'est stupide. Il le fout. Oh, à quoi bon? Eh bien, moi, je vous défendrai. Parfaitement, je vous défendrai envers et contre tous, et même contre vous. Non, Rouletabille, vous ne le pouvez pas. Ce que Mathilde et moi n'avons pu faire, vous ne le ferez pas. Mais si, je le ferai. Je le ferai, Darzac, parce que j'en sais bien plus long que vous. Comment? Qu'est-ce que j'entends? Non. Expliquez-vous, monsieur Rouletabille. Ah, vous voyez, c'est inutile. Mais si, soyez tranquille, je saurai ce qu'il sera utile de savoir pour vous sauver. Ah, cette fois, vous dépassez les bornes, monsieur Rouletabille. Vous en avez trop dit ou pas assez? Je vous somme de vous expliquer. En tant que journaliste, monsieur le juge, je pense que vous m'autoriserez à ne pas être de votre avis. Comment? Oui. Ah, monsieur Rouletabille, c'est un avertissement solennel. Je ne vous conseille pas d'écrire une ligne, une seule ligne dans votre journal, où vous évoqueriez une vérité passée au tamis de vos théories. Entrave à la loi, déformation des faits, j'irai jusqu'au bout. Soyez sûr, monsieur le juge, que je me garderai bien d'écrire quoi que ce soit qui ne serait pas l'exact reflet de la vérité. Maître Sinclair. Oui, Joseph. Vous voudrez bien en témoigner? Oh, certainement. Rouletabille, si vous voulez avoir droit à toute ma reconnaissance et si vous voulez me sauver à tout prix, il ne faut rien savoir. Ayez confiance en moi. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous ne savez que le nom de l'assassin. Mathilde, elle, connaît seulement une moitié de l'assassin. Alors je vous le dis pour que vous ayez une confiance aveugle. Vous entendez, aveugle? Je connais les deux moitiés de l'assassin. Ah, voilà monsieur Larsan qui nous fait signe. La voiture est là. Je vous en prie, monsieur Larsan. S'il vous plaît. Tout cela est certainement stupide de ma part, mais je ne peux m'empêcher d'éprouver une sincère admiration pour Robert Darzac. Mm-hmm. Enfin, Joseph, vous l'avez vu quitter le château du Glandier avec de Marquet, Malène et le gendarme. Stoïque, digne. La grande classe, quoi. Non, faut le dire, Darzac marchant droit à la prison, escorté de son gendarme, excusez-moi, cette trivialité chère au 16e arrondissement, ça avait une certaine gueule. Mais oui, mais oui, mais oui, vous admirez son courage, et pourtant le malheureux est là, son courage. Ah, cela dit, vous avez raison, Sinclair, c'est un curieux homme. Oui, et moi j'annonce à éclaircir le mystère. Dites-toi encore heureux que vous n'ayez pas été chargé de mener l'enquête et de faire toute la lumière sur ces tentatives d'assassinat, Pascal. Oh, je sais, Joseph. Je ne possède pas l'art de vos sublimes déductions, votre sens inné de l'enquête, vos dons d'observation et cette chance incroyable qui colle à vos chaussures et vous fait mettre automatiquement et à chaque fois la main sur le détail. Eh oui, ce détail qui change tout et qui avait échappé à tout le monde. Ce qui vous permet ensuite de résoudre tous les cas les plus délicats comme en vous jouant. C'est fini, oui. Oui, c'est fini. Mais ma parole, il est jaloux. Pourquoi, moi, jaloux? Ah, oui, mon bon maître. Et croyez bien que ça m'afflige, car vous avez l'air de m'en vouloir. Mais comment vous pouvez dire une chose pareille, Joseph? Je suis votre ami, moi. Ah, alors écoutez, si vous êtes mon ami, je vais vous demander de me rendre un inestimable service. Bah oui, bien sûr. Passez-moi le contenu du tiroir du haut de la commode afin que j'en garnisse mon sac de voyage. Avec plaisir. Comment? Maître Sinclair, d'homme à homme, les yeux dans les yeux, voyez-vous un empêchement majeur à ce que je fasse ma valise? Bah non. Mais vous rentrez? Ben oui, je rentre. À Paris? On peut rien vous cacher. Ah ben ça m'étonne quand même un peu de vous. Pourquoi donc? Ben vous n'êtes pas du genre à abandonner, à fuir. Mais je ne fuis pas, Sinclair, disant simplement que mes investigations m'obligent à changer de lieu. Oui, mais vous n'avez pas changé d'avis. Darzac n'est pas coupable. Vous connaissez mon sentiment là-dessus. Mes chaussettes. Mais qu'est-ce qu'elles ont, vos chaussettes? Mais qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont passé les mois, s'il vous plaît. J'emporte aussi mes chaussettes, figurez-vous. Et n'oubliez pas votre gilet. Hein, oh, mon Dieu, c'est vrai. Oui, ça, j'y tiens, j'en ai si peu. Voilà. Puis-je vous donner un conseil? Oh, Joseph, les conseils sont comme les femmes laides. On ne les suit jamais. Eh bien, écoutez, faites donc profit de celui-là. Préparez également votre valise et regagnez dans Paris avec moi. Ça. Il est vrai que je ne vois pas ce que je pourrais faire en restant seul au château. Le professeur d'ailleurs ne comprendrait pas. Et puis, vaut mieux que vous le sachiez, Sinclair, le Glandier et ses environs n'ont plus rien à nous apprendre. Ah bon, c'est vrai? Ouais, mon enquête est terminée. Et grâce à vous, je dois le dire, je sais tout ce que je dois savoir. Je suppose que ce serait idiot de ma part de vous demander le nom de l'assassin, hein? Ce serait idiot. En tout cas, parfaitement inutile. Oh, s'il vous plaît, mes chaussons. Mais vos chaussons, je les vois pas, moi. Sous le lit. Oh, écoutez, Joseph, hein, être votre ami n'est pas une sinécure. Mais si en plus vous me demandez d'être acrobate, ça alors... C'est un peu de culture physique, c'est bon. Eh ben, les voilà, vos chaussons. Merci, Sinclair. Merci, mon bon Sinclair. Et ne prenez surtout pas mon silence pour une manifestation puérile ou pour de la vanité mal placée. Je vous demande de croire qu'il m'est impossible pour l'instant de vous révéler quoi que ce soit. Eh ben, je vous crois. Vous avez raison. Dans le fond, je sais que rien de tout ça ne prête à rire. Mais que vous suivez cette enquête avec beaucoup de sérieux. Merci, mon bon maître. Là, ouais. Mon sac de voyage est prêt maintenant. Sur le moindre signe de vous, je suis capable de me transformer dans la seconde en parfait valet de chambre et vous aider à boucler votre bagage. Qu'en dites-vous? Ah, mais j'accepte votre proposition. Parfait. Alors, allons chez vous. Voilà. Joseph, si vous m'aidez, j'en ai exactement pour 3 minutes. Oh, soyons pas à bleu, disons 5 quand même. Et nous en ajouterons 5 de plus pour saluer le professeur Stangerson et prendre congé. Hein. Le remercier de son hospitalité. Ça tombe sous le sens. Ensuite, 3 minutes pour distribuer quelques menus pour boire à tous ceux qui nous ont si bien servi. Et 60 minutes pour aller à la gare. Ah non? Comment non? Non, Sinclair, pas cette fois-ci. Écoutez, nous avons très mal dormi ces derniers jours et une fois n'est pas coutume, je me sens exténué. Alors, nous demanderons donc à ce bon Bernier d'atteler l'Adomont et de nous conduire, grâce au trou allongé de ce brave bagarre, à la gare d'Épinay-sur-Orge. Hein? Nous serons à Paris pour dîner. Tenez, échange de bons procédés, voici vos chaussons. Ah, merci. Ben, je les avais quand même pas cachés sous le lit. Hein? Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à ramasser mes affaires de toilette et je suis à vous. Voilà. Quand je pense à cette pauvre Mathilde, quand même, hein. Elle n'a pas de chance. Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'elle entretient une véritable vocation de martyr. Cela dit, tout a eu fin, hein. Voilà, blaireau, savon, rasoir, eau de cologne, dentifrice, voilà, brosse à dents, tout y est. Oh, c'est vrai, Joseph. Je souhaite à Mathilde le repos et la paix de tout mon cœur, ça. Eh ben voilà, je suis prêt. Alors, filons. Et tenez, mon cher, puisque vous m'accompagnez, je vais accomplir à votre intention un geste qui n'a pas fini de vous étonner. Oh, de Dieu, vous me faites peur. De quoi s'agit-il? Je vous invite à dîner chez Pocardi. Saint-Joseph, soyez béni. Monsieur. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut vous réveiller, monsieur. Hein? C'est vous, Clara? Mais quelle heure est-il? Ben, 8 heures. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, espèce de monstre, hein? C'est de la persécution pure et simple. Enfin, vous êtes un être sans cœur et sans entrailles. Enfin, je sais pas, moi, qui vous a autorisé à venir me réveiller à 8 heures du matin. D'ailleurs, il fait encore nuit, alors. Il y a un monsieur qui demande à voir monsieur. Mais j'ai aucun rendez-vous à cette heure-ci, moi. Ah, mais il n'a pas rendez-vous. Eh ben alors, qui est ce monsieur? Joseph Rouletabille. Joseph? Oh là là là là là là. Bon, allez, faites-le entrer, Clara, et puis ajoutez une deuxième tasse de café. Et puis servez le petit déjeuner, là. Venez, monsieur. Monsieur Sinclair va vous recevoir. Bonjour, mon tout bon. Eh bien, dites-moi, on peut dire que vous êtes bien gardé, vous. Et votre avis semble Clara, qui me prétend que vous n'êtes pas réveillé. Et vous dormez quand, vous? Ben, toutes les nuits. Oh, il est infernal. Mais vraiment infernal. Bien, Joseph, j'ose espérer que vous n'êtes pas venu semer la perturbation dans mon humble intérieur, et ce, à des heures indues, uniquement pour m'apprendre que j'étais bien gardé. Certainement pas. Vous me rassurez, merci mon cher ami. Absolument. Alors, à défaut d'autre chose, et en attendant le petit déjeuner, vous voulez-vous prendre un fauteuil? Vous êtes la délicatesse même de bon matin. Et vous allez me dire par la même occasion, qu'est-ce que vous faites avec cet accoutrement sur le dos? Cet accoutrement, vous n'aimez pas ma tenue? Oh, mon petit Joseph, un costume à carreaux. Une casquette à carreaux, chemise rayée, cravate rayée, sac à carreaux et ulster sur le bras. Rien ulster de courir? Oui, il faut partir à point. Ben voilà. Bon, donc, vous partez. Oui, soyons sérieux, Sinclair, je suis obligé de quitter Paris et je ne voulais pas, hier soir, assombrir notre charmante soirée chez Pocardi. Hein? Mais vous voyez, ce voyage me trotte dans la tête depuis que nous avons quitté le château du Glandier. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Oui. Voilà le petit déjeuner. Les croissants sont sous la serviette, ils sont tout chauds. Oh. Eh ben, posez ça sur la table, ma petite Clara, merci. Rouletabille, vous faites le service, voulez-vous? C'est comme si c'était fait. Bien, ben moi je vais passer ma robe de chambre. Voilà. Alors vous partez? Oui. Deux sucres pour moi. Oui, très facile. Mais vous partez combien de temps, mon vieux? Combien de temps, je sais pas, un mois, deux, peut-être plus. Mais vous allez pas me laisser sans nouvelles? Eh, je le crains. Dites donc, Sinclair, oui. Vous vous souvenez de l'instant où nous nous sommes trouvés dans la chambre de Mathilde avant qu'elle ne perde conscience? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Bah, naturellement, je me brûle. Oh. Bah oui, je me souviens, bien sûr. Elle appelait Robert Darzac. Oui. Oui, parfaitement. Par contre, avez-vous remarqué qu'elle a prononcé un mot avant de s'évanouir? Je l'ai vu effectivement remuer les lèvres, mais j'ai pas entendu. Ah. Non, j'ai pensé qu'avant de perdre connaissance, elle appelait Robert encore une fois, quoi. Mais pas du tout, elle a prononcé un mot que personne n'a entendu. Sauf vous, bien sûr, mon cher Joseph. Ah, vous avez raison, ce café est brûlant. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, c'est vrai, vous avez bien dit, sauf moi, c'est moi, je l'ai entendu, elle a murmuré, parle. Parle. Ouais. Parle. Parce que vous croyez que Darzac parlera. À lui, jamais. Oh, il préférerait se faire piétiner par une dizaine d'éléphants adultes plutôt que d'ouvrir la bouche. Bon, ben voilà. Merci pour votre café. Sinclair, il faut que je me sauve. Il s'agit d'une mission de confiance. Je vous charge de porter la bonne parole et d'encourager notre ami Darzac pendant tout le temps que durera mon absence. Eh ben, ce sera fait. Par ailleurs, j'ai consigné tout ce que je sais dans un rapport. Et si je ne revenais pas... Oh, bon, c'est mal. Hein. Si je ne revenais pas, il serait sauvé quand même. Oui, cela dit, vous pouvez quand même me dire où vous allez. Oui, découvrir l'Amérique. Découvrir l'Amérique. Alors là, vous allez être déçu, mon vieux, vous ne serez pas le premier. Oh, mon Dieu, qu'il est bête. Oh, qu'il est bête. Cela dit, vous ne craignez pas que pendant votre absence, l'assassin ne commette de nouveaux attentats? Ah non, pas du tout, je ne crains rien de ce genre. Il ne se passera plus rien jusqu'à mon retour. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que Robert Darzac est en prison. Maître Sinclair? Oui, en effet, je suis attendu par Maître Henri Robert. Si vous voulez me suivre. Ah, entrez, Sinclair, entrez. Et merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Bon, voyons, c'est tout naturel. Vous connaissez Andrés, mon premier secrétaire, un avocat de grand avenir. Il assure avec moi la défense de votre ami Robert Darzac. Nous nous sommes déjà aperçus. D'ailleurs, Maître Henri Robert m'a souvent parlé de Maître Sinclair. Très heureux. Eh bien, ravi de vous connaître mieux. Mes chers confrères, vous m'avez demandé d'être avec vous aujourd'hui. J'y suis. Je vous écoute. Et tout ce que je pourrais dire ou faire pour la défense de mon ami Darzac, ou pour aider mon ami Rouletabille, je le ferai. Je suis à votre disposition de très grand cœur. Et tout d'abord, Sinclair, je tiens à dissiper une équivoque. Mm-hmm. Lorsque Robert Darzac m'a demandé de vouloir bien assurer sa défense, j'ignorais totalement les liens d'amitié existant entre vous. Ah, bon, n'exagérons rien. Darzac n'a jamais été un de mes familiers. Simplement, je le connais, je l'estime, et très sincèrement, je le crois innocent. Mais en aucune façon, je n'aurais accepté d'être son défenseur. Vous avez le mérite d'être clair. Puis-je vous poser une question en vous laissant la possibilité de ne pas y répondre? Mon cher Henri Robert, on n'est pas plus courtois. Allez-y. Pourquoi auriez-vous refusé cette défense? L'affaire est captivante et vous êtes pratiquement sûr de l'innocence de votre ami. Ben, j'ai estimé et je reste persuadé que ça n'aurait pas été raisonnable. Pas raisonnable? Ben non, Darzac a besoin d'un avocat célèbre, un maître du barreau. Ben, s'il m'avait posé la question... Je lui aurais conseillé de m'adresser au plus renommé d'entre nous, c'est-à-dire vous, Maître Henri Robert. Oh, allons, Sinclair. Et puis, honnêtement, je me sens incapable de mener cette barque à bon port. Je ne sais pas, cette affaire m'échappe, elle n'est pas à moi. Mais non, non, non, non, il n'est pas question de vous, Maître. Il s'agit de Rouletabille. J'ai vécu tout le drame à ses côtés. J'ai assisté à toutes les phases de son enquête. J'ai été honoré de ses confidences stupéfiantes. Eh bien non, décidément non. Je suis encore trop aveuglé pour être capable d'y voir clair et surtout d'y voir clair intelligemment. Mais précisément, c'est de Rouletabille que nous souhaitions vous entretenir. Ah. Ah oui. Avez-vous pensé à l'article publié aujourd'hui par son journal L'Époque avec le... portrait de Joseph en première page? En effet, nous ne sommes pas certains qu'il s'agisse là d'une publicité souhaitable. Là, je pense comme vous, vraiment. Notre ami ne devrait pas se laisser photographier la pipe au bec. Ça fait, je sais pas moi, ça fait laisser aller, hein. Ouais, mais prenez-vous au sérieux les informations contenues dans l'article du journal? Ah, ben, jusqu'à plus ample informé, L'Époque est un journal sérieux. Selon vous, Sinclair, quelle explication? Maître, mon ami Joseph Rouletabille est parti en voyage le soir même de l'arrestation de Robert Darzac. Et il a averti son directeur d'une façon un peu mélodramatique et grand-guignolesque, je vous l'accorde. Mais parfaitement légitime. Il a annoncé qu'il connaissait l'assassin, mais qu'il manquait de preuves pour le faire condamner. Qu'il partait chasser ses preuves et qu'il risquait de ne pas être de retour avant un, deux, peut-être trois mois. Et à moins que l'assassin ne s'arrange pour qu'il n'en revienne pas du tout. Ce que je voulais vous faire savoir, c'est que le directeur de l'époque m'a rendu visite. Agissant, m'a-t-il dit, sur les instructions de Rouletabille, il m'a confirmé que si son reporter n'était pas revenu à temps, c'est lui qui se présenterait dans le prétoire devant le tribunal. Alors, monsieur, je vous le demande, où est le problème? Il n'y a plus qu'à attendre. C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Aujourd'hui, 19e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe Derez, Malène, Yves Penaud, Clara, Daniel Danjou, Demarquet, Roger Carrel, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, Mathilde Stangerson, Evelyne Selena, le professeur Stangerson, André Valmy, Sir Arthur Hans, Philippe Clay, le gendarme Christian Zanetti, Sylvie Laurence Penel, l'employé Jacques Maire. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne.